je l'attends. Dis-lui que je l'attends comme avant. Avant, à peine arrivé, avant, il téléphonait avant. On courait se retrouver avant. Plus rien n'existait avant de s'être embrassé. Je suis là, dis-lui que je suis là comme avant.